L'éclat des cendres. Hommage à Giordano Bruno par Eric Arasim. Les liens du corps, conformes à toute consonance, ravissent les couples, font fuir les serpents. Prise à mort pour ses amants illuminés, incorporés par l'affect, la nourriture de Cupidon, qu'advienne la récréation des âmes à la conquête de l'être aimé. Le désir n'impose plus de limites sous la grâce des doigts. Tromperie silencieuse, cérémonie adultérine, par l'emprise des caresses, jusqu'à professer la magie des chairs comblées. C'est donc en serviteur vénéneux, apportant sur un plateau les substances mortelles, que l'alchimiste capte l'essence de l'eau. À la recherche des amertumes de toutes sortes, il assigne aux esprits des commandements du plus haut degré, plongeant les ombres dans la terreur d'une dissolution certaine. Mettre le feu au fer, sculpter les âmes perdues, ignorantes. Il y a un certain nombre de raisons pour se plaindre, accusées par consentement mutuel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. L'aimant attire le fer de vertu en corruption, encore le sang nécessaire devenu cendre, dissoute dans l'ordre de l'univers. Peut-on réellement saisir les choses de l'intérieur, matière première, force efficiente? C'est ainsi que le monde devient ténèbre. N'effleure pas même l'orbe de la lumière, au-delà de la malice et du crime. Tournons-nous maintenant vers l'océan, le lien primaire, utile, principe essentiel de notre existence. Le sublime emplit le monde, définit sa vérité. Il n'y a plus de centre, mais que de la gloire, un monde glorieux, perpétuellement en lutte pour sa survie. Les corps se répandent à tous les horizons nouveaux, brisés en mille éclats, disséminés par les vents, tels les pollens, ces particules joueuses qui animent les parcs de leur grande sympathie. Tel est ainsi le sens des arcanes, ils contiennent une sorte de tout observable, d'une même lumière, images uniques, facultés du symbole. Ils raviront les ignorants et les aveugles, qui ne promettent que les fers et les bûchers, ceux qui ont sacrifié Giordano sur la place aux fleurs par d'obscures pensées et excès de foi, à en mourir d'indigestion. Ici se termine L'éclat des cendres, hommage à Giordano Bruno, par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Jehan sous licence CC BY NC ND.